En tout cas, comprenne, c'est moi qui t'ai plus malheureux. Répondez à lever la voix, les tambouillés qu'on y est qu'à là. En commandant une belle reprise, toi, moi, des noms banjo guitare. Jean-Denis les répondait, moi, t'es chanté pas autre. En tout cas, comprenne, c'est moi qui t'ai plus malheureux. Ça, c'est pas vrai. En tout cas, comprenne, c'est moi qui t'ai plus malheureux. Papa, moi, dis ça. En l'autre moins déplacé, en bas qu'à doué crédit, et personne reconnaissance, en bas qu'à rester si wash, pour moi puis parler très mal, en bas qu'à prendre chapeau en moins, puis au qui moins qu'à draper, en toujours tignon monnaie, pas bête pour lever les amis, en café en six journées, c'est pour moi boire et manger, en fini la santé, mon gars merci bon Dieu, c'est là moins calculé si ça compte à moins que péché. qu'à dire comme ça, Haïti c'est bel pays, rien n'est qu'à dire comme ça, la Guyane c'est bel pays, Martinique qu'à dire comme ça, la Martinique c'est bel pays, y'a pas de Guadeloupe qui voulait mettre misère à la Guadeloupe. Ça c'est pas vrai.